إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 57 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim avec l'explication et les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on est donc, comme je dis, au cours 57 à la page 414 dans le volume 1 et au passage numéro 201. Donc on approche, comme je disais au dernier cours, on approche de la fin du livre. Hein, la dernière page du livre, c'est la page 469 et on est à la page 414. Donc on a presque fini le volume 1, inshallah. طيب. Donc on commence inshallah. On va lire la première partie. Parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, à partir d'où on est arrivé. Et on est toujours en train de clarifier qu'est-ce qui a rapport avec le terme al-jahiliya, hein, qu'est-ce qui a rapport avec la jahiliya, puisque le livre s'intitule Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu Ashab al-Jahim, c'est-à-dire que de suivre le droit chemin, ça implique de contredire les gens de l'enfer. Et parmi les exemples des gens de l'enfer, il y a les gens de la jahiliya. Les gens de la jahiliya, c'est-à-dire comment ils vivaient les gens dans l'ignorance avant l'islam. Donc c'est ça la jahiliya. Et le cheikh il explique ici, il dit « وَلَفْضُ الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ يَكُونُ إِسْمًا لِلْحَالِ وَهُوَ الْغَالِبُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدْ يَكُونُ إِسْمًا لِذِي الْحَالِ فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وقول عمر إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة يعني وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء قولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. Donc le cheikh explique que le terme jahiliya, soit que ça s'applique à un mot ou nom qui fait référence à un état, hein, à une situation, à un état, et en général quand on parle de la jahiliya dans le Coran et dans la Sunna, c'est de ça à quoi on se réfère. On se réfère à l'état de la jahiliya. Et sinon aussi, c'est par rapport à celui qui est, c'est-à-dire celui qui est dans cet état-là. Celui qui est dans l'état de la jahiliya ou de l'ignorance. Et donc il dit par exemple par rapport à l'explication de l'état de la jahiliya, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Abi Dhar, tu es une personne en qui il y a ou chez qui il y a de la jahiliya. Ça, c'est un exemple de l'état d'ignorance qui peut être présent chez une personne, comme c'est rapporté dans ce hadith. Aussi, la parole de Omar, quand il a dit dans la djahiliya, j'avais fait un vœu de faire l'i'tikaf une nuit. J'avais fait le vœu dans la djahiliya de faire l'i'tikaf une nuit. Ou la parole de Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle a dit que le mariage dans la djahiliya se produisait de quatre façons, ou de quatre, il y avait quatre sortes de mariages dans la djahiliya. Et aussi la parole lorsque le sahabi dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, il lui dit inna kunna fi jahiliyatin wa shar, c'est-à-dire nous étions dans la djahiliya et dans le mal, c'est-à-dire dans un état d'ignorance de djahiliya, une voie d'ignorance ou une tradition, une coutume d'ignorance, wa nahwi dhalik, et des choses semblables. Fa inna al-jahiliya in kanat fi al-asl sifa lakinahu ghalaba alayhi al-isti'mal hatta sara isman wa ma'nahu qarib min al-masdar. أما الثاني فتقول طائفة جاهلية شاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركب جهلا مركبا. نعم. Donc le cheikh il dit, donc à la base, le terme djahiliya, c'est une sifa, c'est un attribut, description de quelqu'un, une caractéristique. Mais par la suite, c'est devenu un nom. À la force de l'utiliser, les gens l'ont utilisé comme ça, ah, djahiliya, djahiliya. Donc les gens ont commencé à l'utiliser comme si c'était un nom. Et c'est une signification qui est proche du masdar en arabe. En ce qui concerne la deuxième utilisation du terme djahili, c'est pour décrire, par exemple, pour dire un groupe de la djahiliya ou un poète de la djahili. Un poète djahili, c'est-à-dire de l'époque de l'ignorance, ou qui était de l'époque de la djahiliya, dans le sens qu'il était, il n'avait pas de science, il était dans l'ignorance, ou il ne suivait pas la science, ou il ne suit pas la vérité, où il ne connaissait pas la vérité. Et si c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, dans ce cas-là, on dit que c'est une ignorance simple, ordinaire. Tandis que si c'est quelqu'un qui croit le contraire de la vérité, on va dire que c'est une ignorance double ou une ignorance superposée. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple ignorance comme quelqu'un qui ne sait pas la vérité, mais c'est quelqu'un qui... non seulement il ne sait pas la vérité, mais il croit à ce qui est contraire à la vérité. Et ça c'est une ignorance plus grave. Al-jahl al-murakkab en arabe, on dit jahl al-murakkab par rapport à l'ignorance qui est simple. Et on dit l'ignorance qui est simple, c'est celui qui ignore quelque chose. Comme par exemple, quel exemple je voudrais donner? Quelqu'un, par exemple, qui ne saurait pas que c'est pas permis dans l'islam d'avoir nos vêtements qui dépassent la cheville. Il ne le sait pas parce qu'il n'a jamais entendu le hadith. Donc toi, tu lui dis, ya akhi, c'est haram d'avoir les vêtements en dessous de la cheville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma asfal al-ka'abayni fa fi an-nar. Qu'est-ce qui est en bas de la cheville, c'est dans le feu. Alors lui, il entend ça, il dit, ah subhanallah, je ne savais pas. Et tout de suite, il va chez lui, il prend ses vêtements, il les fait couper et arranger pour pas que ça dépasse la cheville. Tu dis, ça c'est une personne qui est jahil, mais qui est jahil al-basit, ignorance ordinaire. Il ne savait pas, on lui a dit, on lui a appris et il l'a appliqué, il a compris tout de suite. Tandis que l'autre, qui a une jahl murakkab, tu lui dis, ya akhi, ça c'est haram d'avoir les pantalons en bas de la cheville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit. Et là il te dit, non akhi, ça c'est juste si c'est khuyala, si c'est fait avec fierté, tu le fais avec arrogance et fierté, là dans ce cas là c'est haram, mais sinon c'est pas haram. et il te ramène des paroles, il va te dire, bon, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr, hein, quand Abu Bakr ses vêtements touchaient par terre, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais pourquoi tu laisses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr lui a dit, oh messager d'Allah, et moi aussi, est-ce que yani, je laisse traîner mes vêtements khuyala? Et Abu Bakr lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, pas toi Abu Bakr. Alors, il ramène des athars comme ça, et ça tu entends tout, souvent ces exemples-là, ces shubuhat de la part des ikhwan qui ne veulent pas suivre la sunna. Ils veulent absolument laisser traîner leurs pantalons en bas de la cheville. Allah al-musta'an. Et contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est quoi la réponse par rapport à ça? C'est que c'est du al-jahl al-murakkab. C'est de l'ignorance, mais c'est de l'ignorance qui est double. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne sait pas, mais elle pense qu'elle sait. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Tu lui dis, il dit, ah, barakallahu fik, je ne savais pas. Mais celui qui sait, mais qui sait, sa connaissance qu'il a, elle est incorrecte, ça c'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. Parce que la connaissance qu'il a, elle est une connaissance qui est erronée, qui n'est pas exacte. Donc, non seulement pour le ramener à la vérité, il faut lui dire la vérité, mais il faut lui enlever la fausse conception, la fausse idée qu'il a dans la tête, avant de pouvoir le corriger, puis de le remplacer, cette mauvaise connaissance, par la vraie information, la vraie compréhension. Alors, pour lui répondre par rapport à Al-Khuyala, et le fait qu'il fait l'isbal, par exemple, il laisse traîner ses vêtements en bas de la cheville, et il dit non, c'est seulement interdit si c'est khuyala, tu lui dis non. Parce qu'il y a les hadiths qui mentionnent l'interdiction de laisser traîner les vêtements en bas de la cheville, que ce soit khuyala ou non, c'est-à-dire que tu le fasses par fierté ou non. Et il y a d'autres hadiths qui mentionnent la punition de faire traîner les vêtements en bas de la cheville lorsque tu le fais avec fierté et arrogance. Donc c'est deux hadiths différents, avec deux punitions différentes. Si tu le fais avec khuyala, tu as une punition. Si tu le fais avec fierté, tu as une punition. Si tu le fais sans être fier, il y a une punition aussi. Et c'est haram également. Et en ce qui concerne la parole d'Abu Bakr, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même moi, ô messager d'Allah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, pas toi, Abu Bakr, c'est parce que Abu Bakr, il portait un vêtement, son izar, et étant donné que Abu Bakr radiallahu anhu, il était mince, son izar parfois il descendait, hein, c'est-à-dire il restait pas en haut de ses hanches, et il descendait parfois quand il marchait. Alors à chaque fois il descendait, il traînait par terre, il le remontait. Et donc quand ça traînait par terre, c'était pas qu'il faisait ça exprès pour le laisser traîner, c'était parce qu'il était très maigre et donc ça descendait, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, pas toi ou Abu Bakr, parce qu'il ne faisait pas ça intentionnellement. Donc il n'y a pas de preuve pour celui qui veut se permettre de laisser les vêtements traîner par terre ou en bas de la cheville et de penser ou de dire que ça c'est permis. Donc on voit ici la différence entre quelqu'un qui est jahil, ignorance simple, et l'ignorance qui est yani al-murakkab, dans le sens que sa connaissance elle est corrompue, sa connaissance elle n'est pas exacte, elle n'est pas correcte, et à cause de ça, quand tu lui ramènes la connaissance, il la rejette. Pourquoi? Parce que il est ignorant, mais il ne sait même pas qu'il est ignorant. Allah musta'an. Après le cheikh il dit fa in qala khilaf al-haq aliman bil-haq aw ghayr aliman فهو جاهل ايضا. Il dit, si la personne elle dit le contraire de la vérité en connaissant la vérité ou même sans la connaître, alors il est également ignorant. كما قال تعالى قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 63 dans Surat Al-Furqan, ce qui signifie, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam. Donc les ignorants là, ça ne veut pas seulement dire ceux qui ne savent pas. Ça peut être ceux qui savent la vérité, mais qui yani, disent le contraire avec connaissance. Ou ceux qui le disent sans connaissance aussi. Mais ça peut être quelqu'un qui a de la connaissance, mais qui ne dit pas selon la vérité. Et il dit dans le hadith, lorsque quelqu'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas de mauvaises paroles et qu'il ne fasse pas d'ignorance. C'est-à-dire qu'il ne dise pas contraire à la vérité, hein, avec connaissance. Donc ça veut dire que l'ignorance, c'est pas juste de pas savoir. C'est de intentionnellement et sciemment opposer la vérité, ça fait partie de l'ignorance aussi. Et il dit justement une parole d'un poète. Il dit ومن هذا قول بعض الشعراء ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وهذا كثير. C'est-à-dire que personne n'agisse envers nous de façon contraire à la vérité, parce que sinon, nous, on va agir par, encore plus par ignorance bien que eux. Donc, c'est pour dire que l'expression de l'ignorance, c'est pas seulement de ne pas savoir la vérité, mais d'agir contraire à la vérité aussi. Il dit, wa qawluhu, donc Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant, il dit, qawluhu wa lafzul jahiliya, قد يكون اسما للحال الجاهلية وما يعني ما كان عليه الناس قبل البعثة لا سيما العرب والأميون فإنهم لم يكونوا على شيء أصلا بل كانوا على عادات وتقاليد ابتدعوها وعلى كفر وشرك بالله عز وجل فلما جاء الإسلام أزال كل ما كان من أمور الجاهلية والجاهلية قد تكون صفة وقد تكون مكان أو حال من الأحوال فالجاهلية تتنوع فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية يعني الطعن في النسب. نعم. Donc il dit le Cheikh Al-Fawzan que la jahiliya, c'est ce sur quoi l'état dans lequel les gens se trouvaient à l'époque avant que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est venu. L'état dans lequel ils étaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en particulier les Arabes et ceux qui n'avaient pas reçu de révélation avant Al-Umiyoun. Donc ceux-là se tenaient sur rien du tout. Déjà ils n'avaient pas rien comme religion, comme, hein, ils n'avaient pas de connaissance du tawhid, de l'islam ou de quoi que ce soit. Ils étaient sur des traditions et des coutumes qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et ils se tenaient sur du shirk et du kufr. Hein? Et donc ils s'associaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'islam est venu, eh bien l'islam est venu enrayer ce que ces gens-là suivaient comme exemple d'ignorance et de jahiliya. Donc il dit le shirk, l'ignorance, plutôt la jahiliya, ça peut être une caractéristique, une attribut. Ça peut être aussi un endroit, ça peut être un état parmi les différents états, ça peut être donc plusieurs choses. On peut l'utiliser pour dans différents sens. Hein, et il dit dans le premier cas, c'est l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Abi Dhar, tu es une personne en qui il y a de la jahiliya. C'est-à-dire qu'il y a en toi une caractéristique parmi les caractéristiques de la jahiliya. C'est-à-dire, par exemple, « at-ta'nu fil nasab », c'est-à-dire d'attaquer ou d'insulter quelqu'un par rapport à ses origines, par rapport à ses ancêtres, ou ses origines, ou son ethnie, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une des caractéristiques des gens de l'ignorance, des gens de la jahiliya, et cette caractéristique, elle existe encore, hein, malheureusement. Il dit « al-mithal al-thani al-hal » وهو ما كان من أحوال الجاهلية سواء كان سواء في عبادتهم في عباداتهم أو عاداتهم الخاصة بهم أو نحو ذلك. ومن الأمثلة على هذا قولك لشاعر جاهلي والشاعر الجاهلي هو الذي كان قبل الإسلام مثل إمر القيس إمر القيس والنابغة الذبياني والأعش ميمون بن قيس وغيرهم من شعراء الجاهلية. وإذا قيل شاعر جاهلي فهو الذي عاش في فترة الجاهلية ولم يدرك الإسلام أو أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. Donc le cheikh il dit la deuxième utilisation du terme jahiliya c'est par rapport à l'état d'une personne et c'est-à-dire par rapport aux différents états de la jahiliya, soit par exemple dans les adorations ou dans les coutumes qui leur étaient particulières aux gens de la jahiliya ou des choses de ce genre. Il dit par exemple des exemples de ça, c'est lorsque quelqu'un dit à propos de quelqu'un que c'est un poète jahili, c'est-à-dire un poète qui vivait avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque où l'islam n'était pas encore arrivé. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore, les gens n'avaient pas encore connu l'islam, ils n'avaient pas encore reçu le message de l'islam parmi les Arabes. Donc, on disait d'un poète de l'époque pré-islamique que c'est un poète jahili. Des fois en français on dit pré-islamique, mais jahili, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire la période avant l'islam. Et il donne des exemples de grands poètes qui étaient connus avant l'islam, comme Imr al-Qais et al-Nabira al-Zibyani et al-A'ash ibn Maymoun ibn Qais et d'autres, parmi les poètes de la jahiliya. Et donc lorsqu'on dit d'un poète qu'il est un poète de la jahiliya, ou un poète jahili, eh bien, c'est-à-dire celui qui a vécu dans la période de la jahiliya, c'est-à-dire il n'a pas connu l'islam ou il n'a pas connu, le message de l'islam, ou il l'a connu mais il ne s'est pas converti à l'islam. Donc, ce soit un des deux. Il dit wa qawluhu wa dhalika nisbatun ila al-jahl wa huwa adam al-ilm, يعني أن كلمة الجاهلية مأخوذة من الجهل وهو عدم العلم لأنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين كما أخبر الله عز وجل عنهم فهم على جهل وليسوا على علم لا سيما علم من كتاب بل يعني كانوا في جاهلية منقطعة عن الرسالات والجهل على قسمين جهل بسيط وجهل مركب أما الجهل البسيط فهو عدم العلم مع اعترافه بذلك ويعني وهذا أقرب إلى قبول الحق كأن يرتكب إنسان خطأ لعدم معرفته الحق فإذا بين له يعني الحق قبله. أما الجهل المركب فصاحبه جاهل ويجهل أنه جاهل. Donc le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne le fait de dire de quelque chose que ça fait partie de la jahiliya, eh bien c'est ça, la jahiliya ça veut dire c'est que ça s'apparente à l'ignorance, que ça a un lien avec l'ignorance ou le fait de ne pas connaître. Le fait de ne pas connaître. Il dit, c'est-à-dire que la parole, quand on dit jahiliya, ça vient donc de l'ignorance, de l'absence de science. Et il dit pourquoi? Parce qu'avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans un égarement évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé à propos des gens de la jahiliya qu'ils étaient dans l'ignorance, ils n'avaient pas de science et en particulier, ils n'avaient pas de science qui vient d'un livre. Donc ils n'avaient pas le livre révélé avec eux. Donc c'est le signe que aussi quand on n'a pas de livre, on est dans l'ignorance. Allah musta'an. Surtout en ce qui concerne la religion. Et tu vois les peuples par exemple qui ont des religions mais qui n'ont pas de livre, eh bien souvent c'est les hommes qui décident qu'est-ce qui est dans cette religion-là. Ils le changent à volonté. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec. الله المستعان إذ بل كانوا في جاهلية منقطعة عن الرسالات والجهل على قسمين جهل بسيط وجهل مركب. Donc les gens étaient coupés des révélations et des messagers, et l'ignorance elle est de deux catégories, il y a l'ignorance simple et l'ignorance double si on veut. En ce qui concerne l'ignorance simple, c'est le fait de ne pas avoir la connaissance de quelque chose et de reconnaître cela. C'est-à-dire, si on te demande à propos de quelqu'un, on demande à propos de quelque chose, tu dis « je ne sais pas ». Ça, c'est de l'ignorance simple. Tu reconnais que tu es ignorant. Quand tu as une simple ignorance, tu reconnais ton ignorance en premier. Et tu dis « oui, je suis ignorant, je ne connais pas cette chose-là, donc je suis ignorant de cette chose ». Et la personne qui est dans cet état-là, elle est plus proche de l'acceptation de la vérité que celui qui est dans une ignorance double. Ou bien une ignorance, disons, plus compliquée. Parce que la personne qui a une ignorance simple, elle sait qu'elle ignore, puis elle reconnaît ça. Et quand elle fait une erreur, parce qu'elle ne connaît pas la vérité, si tu lui expliques la vérité, elle l'accepte tout de suite. Tandis que la personne qui est dans une ignorance double, eh bien, elle ignore. Elle ignore quelque chose, mais elle ignore qu'elle ignore cette chose. Donc, subhanallah, c'est très très difficile de lui expliquer la vérité. Parce qu'elle pense qu'elle sait déjà. Donc elle ne veut pas t'écouter. Elle ne veut pas écouter la clarification. Et le cheikh dit, « Amma idha qala bi khilaf al-haq, fa huwa jahilun, sawa'a kana jahluhu jahlan basitan ou murakkaban. Lakin, al-jahl al-murakkab ashad. » الجهل المركب أشد من الجهل البسيط لأن الجاهل البسيط يقبل التوجيه أما الجاهل المركب فلا يقبل التوجيه لأنه يرى أنه عالم. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un dit le contraire de la vérité, on dit de lui qu'il est jahil. Si quelqu'un dit le contraire de la vérité, on dit de lui qu'il est ignorant. Peu importe qu'il ait une ignorance simple ou double. Il dit contraire à la vérité, on dit de lui qu'il est un jahil, même si il est, peu importe, il est ignorant simple ou double, on dit qu'il est jahil. Mais la personne qui a une ignorance double, elle est plus égarée, elle est plus grave, son cas est plus grave que celui de l'ignorance simple. Pourquoi? Parce que celui qui a une ignorance simple, il accepte le conseil et l'orientation. Et la clarification. Tandis que celui qui a une ignorance double, il n'accepte pas. Parce qu'il pense qu'il est savant. Il pense qu'il est déjà savant. Hein? Allah musta'an. Il dit, وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. يعني أن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون والمراد بالجهل هنا عدم الحلم. Hein? قالوا أي عباد الرحمن salaman, yani salaman, ay la yarudduna alayhim bil mithli li yaslimu min sharrihim. Donc comment par exemple, qu'est-ce qu'il dit ici? Si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset إذا خاطبهم الجاهلون dans surat Al-Furqan, lorsque s'adressent à eux les ignorants, ils disent salam, hein, paix. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, c'est qui? Les serviteurs d'Allah. Les serviteurs d'Allah. Quand on s'adresse à eux, ils disent salam, c'est-à-dire paix. Et le cheikh explique, il dit ça fait partie des caractéristiques des serviteurs du Tout Miséricordieux, de Ar-Rahman. Lorsqu'on s'adresse à eux, lorsque des ignorants s'adressent à eux, ils disent salam. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'ignorance des ignorants? C'est qui ces ignorants? Et de quelle ignorance on parle? Adamul Hilm, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un bon comportement. Des gens qui n'ont pas un bon comportement. Lorsqu'ils viennent à toi, puis qu'ils te disent des choses, hein, des insultes ou des mauvaises choses, ils agissent mal envers toi, au lieu de toi de leur répondre à leurs insultes ou de leur répondre à leur mauvais comportement par un mauvais comportement, eh bien, au lieu de ça, tu dis salam, paix. Hein, puis tu t'en vas, tu les laisses. C'est-à-dire, tu ne rentres pas dans tu ne rentres pas dans le débat ou tu ne rentres pas dans le mauvais comportement que eux ils te donnent. Tu vois? C'est ça. Donc tu dis salam, tu le laisses. Des fois, tu vas passer à côté des gens dans la rue et parce qu'ils te voient, par exemple, habillé d'une certaine façon et que tu suis la sunna, donc ils vont te faire des injures ou bien ils vont faire un petit commentaire ou même des fois un son, juste un bruit, un son avec leur bouche ou un mouvement avec leur tête pour montrer qu'ils n'approuvent pas ta façon d'être habillé ou ta façon d'être. Des fois c'est envers les hommes musulmans, des fois c'est envers les femmes musulmanes. Ils vont faire un petit commentaire ou dire quelque chose pour dire comme pourquoi ces gens-là ils font ça, pourquoi ces gens-là ils s'habillent comme ça, ou qu'est-ce qu'ils font ici ces gens-là, ou des choses comme ça, ou c'est quoi ça. Oui, alors toi, au lieu de rentrer dans, commencer à l'insulter, commencer à rentrer dans des discussions, non, tu t'en occupes même pas, tu dis salam et tu continues ton chemin. Donc qu'est-ce que le cheikh il dit, c'est ça, salam dans le sens quoi, dans le sens que tu leur remets pas les insultes par les mêmes insultes, par les mêmes paroles, tu les laisses. Pourquoi? Pour être épargné de leur mal. Parce que si tu vois que tu rentres avec eux dans leurs mauvaises paroles et tout, ben ça va faire augmenter le mal. Donc laisse tomber. Et il dit ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فقوله ولا يجهل يعني لا يأتي بشيء من الجهل الذي هو خلاف الحلم كالشتم والسب والغيبة والنميمة وغير ذلك. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est en train de jeûner, eh bien qu'il ne dise pas des paroles vulgaires, qu'il ne fasse pas de péché ou de perversité, et qu'il ne fasse pas non plus d'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne fasse pas d'ignorance? C'est-à-dire qu'il ne ramène pas quelque chose qui est contraire au bon comportement du musulman. Et al-hilm, c'est-à-dire d'être posé, d'être calme, d'agir avec respect et tout. Donc tu vas pas insulter les gens, tu vas pas les injurer, tu vas pas parler dans le dos des gens, faire des médisances et des choses de ce genre. Tu rentres pas dans leurs mauvais propos. Ensuite le cheikh il continue, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَكَذَلِكَ مَنْ عَمِلَ خلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل. Qu'est-ce qu'il explique le cheikh, il dit de même que d'agir en contraire, de façon contraire à la vérité, celui qui agit contraire à la vérité, il est jahil, il est ignorant, même s'il sait qu'il est en train de contredire la vérité. Et il dit la preuve, c'est le verset 17 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que la repentance pour Allah est seulement pour ceux qui font le mal par ignorance. Qu'est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris de ce verset-là? Ils ont dit, toute personne qui fait du mal, alors il est ignorant. Toute personne qui fait du mal, alors il est ignorant. Et le cheikh, il explique. يقول وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر منه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. Donc le cheikh il dit, et parmi les exemples qui démontrent ça, que toute personne qui fait du mal, il est un jahil, il est un ignorant, c'est que en réalité la personne qui a une science qui est réelle et qui est profondément enracinée dans son cœur, eh bien cette connaissance-là va l'empêcher de faire ce qui est contraire à la vérité, que ce soit dans une parole ou dans une action. Et lorsque la personne en question va agir d'une manière qui est contraire à la vérité, eh bien c'est nécessairement parce que cette personne a une certaine insouciance dans son cœur au moment où elle fait cet acte. Parce que sinon, elle ne le ferait pas. Hein? Elle a soit une certaine insouciance ou une certaine faiblesse dans le cœur qui l'empêche de d'opposer, hein, ou de s'empêcher de faire ce mal. Et donc c'est pour ça que le verset, quand Allah il dit la repentance pour Allah n'est seulement que pour ceux qui font le mal par ignorance, ça ne veut pas dire l'ignorance. Pourquoi? Parce que celui qui fait un péché par ignorance, ça veut dire qu'il ne savait pas que c'était mal. Et quelqu'un, quand il ne sait pas que quelque chose est mal, ou s'il ne sait pas que quelque chose est haram, est-ce qu'il commet un péché? Non. Si tu ne sais pas que quelque chose est haram, est-ce que la chose en question, c'est pour toi, c'est qu'est-ce que tu as commis? Est-ce que tu peux dire que tu as commis un péché si tu ne savais pas que c'était haram? Non. Supposons comme la personne, tantôt, comme on a dit, la personne qui laissait ses vêtements dépasser sa cheville, mais elle ne savait pas. Hein? Elle n'était pas au courant de ça. Est-ce que tu peux dire que cette personne-là a commis un péché? Non, parce qu'elle ne savait pas que c'était haram. Donc c'est pour ça que la signification du verset ici, c'est pas du fait que la personne, elle ne savait pas, et que donc la personne, elle a commis une action comme Allah dit. Allah ne va pas accepter la. Il va seulement accepter la repentance de ceux qui font un acte de mal par ignorance. Si la personne elle a fait le péché par ignorance, Allah ne va même pas la punir. Donc, elle n'a pas besoin de se repentir. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il parle dans ce verset? Allah ne parle pas de celui qui fait le péché par ignorance. Il parle de celui qui a la connaissance, mais il est insouciant dans son cœur, ou bien il a une faiblesse dans son cœur qui fait que cette connaissance qu'il a ne peut pas l'empêcher, n'a pas été assez forte et assez réelle pour être capable de l'empêcher de commettre le péché en question. Non, une sorte d'insouciance. Au moment où il commet le péché, c'est pas parce que par exemple, quelqu'un quand il boit de l'alcool, ou quelqu'un qui va faire un autre péché comme parmi les péchés connus, s'il commet ce péché-là, est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas que cette chose était haram? En général, les musulmans, quand ils font des péchés, ils savent que c'est haram. Mais pourquoi ils se laissent tomber dans le péché au moment où ils le font? C'est parce qu'ils sont dans une certaine insouciance. C'est pas possible qu'il pense sincèrement et clairement à la connaissance qui implique le fait de connaître. Ça implique pas juste de savoir le verset, mais d'y croire et d'avoir la conviction que qu'est-ce qui va arriver à la personne qui commet ce péché-là par la suite. C'est il est sous la menace du châtiment d'Allah. S'il est vraiment conscient de tout ce que ça implique au moment de faire l'acte, il va pas être capable de le faire. Mais c'est parce qu'il a une certaine insouciance à ce moment-là qui fait qu'il essaie de ne pas y penser, hein, ou de ne pas y réfléchir à ça pour justement se permettre d'agir comme par ignorance, en fait. Alors qu'il sait que c'est haram, en réalité. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que Cheikh l'Islam, il explique. Il dit, c'est ça la signification du verset. Et regardez, si vous regardez au verset, dans Sourate An-Nisa, le verset 17, eh bien vous allez voir le contexte, qu'est-ce qui est dit. juste avant, et vous allez comprendre un peu plus peut-être la signification, puisque Naam, exactement. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Donc, le verset dit ça. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Hein? Verset 17. Et qui aussitôt se repentent, ça veut dire quoi? Les ulama ont dit qu'ils se repentent aussitôt. Ça veut dire avant la mort. Hein? Ça ne veut pas dire aussitôt, comme si tu t'es pas repenti aussitôt après avoir commis le péché, tu vas pas être accepté. Allah va pas accepter ta repentance. Non, c'est pas ça que ça signifie. Ça veut dire aussitôt, ça veut dire avant la mort que tu t'es pas repenti avant la mort. Oui, mais on ne sait pas quand est-ce que la mort va venir. La mort peut arriver subitement quelques minutes après ou quelques secondes après le péché, ou ça peut arriver dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ou dans 50 ans, mais toi tu sais pas quand est-ce que la mort peut venir, donc tu dois toujours te repentir pour être certain que par la permission d'Allah tu vas te repentir avant ta mort. Hein? C'est pour ça qu'il dit aussitôt. Et là il dit, le cheikh il dit, وَمِنْ هُنَا تَعْرِفْ دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا من أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. Donc il dit, c'est là que tu peux comprendre de quelle manière les œuvres entrent dans l'appellation de la foi réellement et non pas symboliquement ou allégoriquement. Les actions entrent réellement dans le nom de la foi. Et donc, si quelqu'un, par exemple, il dit, c'est pas toute personne qui abandonne quelque chose qui a rapport avec les actions qui automatiquement devient kafir. Hein? Ou quelqu'un qui commet un péché, on va pas dire qu'il devient kafir parce qu'il a commis un péché, ou qu'il a abandonné certaines actions, on va dire automatiquement qu'il est kafir, ou qu'il est sorti de la base de ce que signifie la foi. Non, et ça c'est la définition selon Ahl Sunnah wal Jama'a, que la foi elle est composée de la croyance, de la parole et des actions, et qu'elle augmente et qu'elle diminue. Et le fait que la foi diminue, ça ne nous fait pas sortir complètement de la foi en entier. Hein? Donc tout ça, c'est des choses qui sont reliées au sujet. Et il dit, وَكَذَلِكَ اسْمُ الْعَقْلِ, de même que la raison. Hein? Ça fait partie de ces exemples-là parmi les noms. Il dit, وَلِهَذَا يُسَمِّ اللَّهِ تَعَالَى أَصْحَابَ هَذِي الْأَحْوَالِ مَوْتَى وَعَمْيَى وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ها؟ ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala appelle les gens de cet état-là, les gens qui ont des péchés, qui désobéissent à Allah et tout, ils les appellent des morts, des aveugles, des sourds, des muets, des égarés, des ignorants, et ils les décrivent en disant, ils ne réfléchissent pas, ils ne raisonnent pas, ils n'entendent pas, et ils décrivent les croyants en disant, des gens qui possèdent la raison, des gens qui possèdent la compréhension, des gens qui sont guidés. Des gens qui ont de la lumière, des gens qui entendent, des gens qui raisonnent. فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَالنَّاسُ قَبْلَ مَبْعَثِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانُوا فِي حَالٍ جَاهِلِيَّةٍ مَنْسُوبَةٍ إِلَى الْجَهْلِ فَإِنَّمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ إِنَّمَا أَحْدَثَهُ لَهُمْ جُهَّالٌ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ جَاهِلٌ وكذلك كل من يخالف ما جاء به المرسلون يعني من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة. Donc le cheikh il dit, Et c'est là qu'on comprend que les gens, avant la venue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans un état d'ignorance, hein, de jahiliya, un état de jahiliya qui s'apparente à l'ignorance, qui est relié à l'ignorance. Et il dit, parce que ce qu'ils disaient, leurs actions et leurs paroles, et tout ce qu'ils amenaient, tout ce qu'ils inventaient, tout ce qu'ils faisaient, était en réalité inventé par des ignorants. Ça venait des ignorants, et c'était seulement des ignorants qui les faisaient, ces actions-là. Il dit, de même que celui qui contredit ce que les messagers ont ramené, parmi les juifs et les chrétiens, alors ça aussi, ça fait partie de la jahiliya. Et ça, c'est la jahiliya dans le sens général. Naam. Tu voulais dire quelque chose? Parole. La foi est composée, en fait, la foi, c'est les la croyance, les paroles, la croyance du cœur, les paroles de la langue et les actions du corps. C'est ça la foi. Ça, c'est la définition de la foi selon Ahl Sunna wal Jama'a. Oui, la croyance du cœur, la parole de la langue et les actions du corps. Ça c'est la définition de la foi telle qu'elle est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna. Et selon la définition d'Ahl Sunna wal Jama'a. Si tu lis le Coran, tu vas comprendre que la foi, c'est ça. La croyance du cœur, les paroles de la langue et les actions du corps. Tu ne peux pas dire autre chose que ça en ce qui concerne la définition de la foi. Ceux qui excluent les actions de la foi, ceux-là sont les gens de bid'a, les murji'a, ce qu'on appelle les murji'a, les actions du corps. Non, les actions du corps, la croyance du cœur, la croyance du cœur, les paroles de la langue et les actions du corps, ça c'est la foi. C'est ça la définition de la foi. Naam. Et le cheikh il dit ensuite, amma ba'dama ba'atha Allah ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fal jahiliyyah al-mutlaqa qad takunu fi Misr duna Misr كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام أما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال أمته طائفة لا تزال في أمته طائفة ظاهرين لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. Donc le cheikh il explique, cheikh Ibn Taymiyyah, il explique un point très important ici, c'est que donc il y a la jahiliya qui est générale. C'était avant l'islam, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé. Les gens étaient dans l'ignorance. Soit que c'était des mouchriquins, soit que c'était des gens qui faisaient partie des mouchriquins qui n'ont pas reçu de livre, comme Quraysh par exemple, les Arabes, ou bien l'ignorance des juifs et des chrétiens. Ça c'était de la jahiliya. Jahiliya avant l'islam, c'était la jahiliya complète et absolue. En ce qui concerne après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc là, il n'y a plus, comme il dit le cheikh, il n'y a plus de jahiliya absolue et complète. Il y a seulement par la suite une jahiliya qui est limitée ou relative. Une jahiliya, une ignorance relative. Et là, il explique. Il dit, ça se peut qu'il y ait une jahiliya dans une ville, par rapport hein, aux villes. Ça se peut que tu trouves l'ignorance dans une ville et non dans une autre. Comme par exemple, dans un pays, et non dans un autre. Comme par exemple les pays des koufars. Il y a de l'ignorance, il y a de la jahiliya là-bas. Comme ici par exemple, Canada, aux États-Unis ou autres. C'est des pays où il y a de la jahiliya parce que c'est des pays de kufr. Et c'est possible qu'il y ait de la jahiliya dans une personne en particulier. Comme par exemple, un homme avant qu'il devienne musulman, il était kafir. Donc il y a, hein, c'était une personne qui était jahil. Hein. Donc c'est une jahiliya qui est présente par rapport à l'état de cette personne qui est dans la jahiliya parce qu'elle n'a pas connu l'islam. Ou bien qu'il soit dans, yani, donc c'est ça, c'est une jahiliya par rapport au fait que la personne n'est pas musulmane. Et ça se peut que la personne soit, comme par exemple, un mécréant qui vit dans un pays musulman. Et on va dire que lui, c'est une personne qui est dans la jahiliya, parce qu'elle n'est pas musulmane. D'accord? Comme un juif ou un chrétien, par exemple. Mais, il dit ça, c'est « amma fi, en effet, amma fi zaman in mutlaq ». En ce qui concerne le temps, par exemple, l'époque, de façon absolue, il n'y en a plus de jahiliya jusqu'à la fin des temps maintenant. Depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas de jahiliya absolue. C'est-à-dire de dire qu'une période ou une époque où personne ne connaît la vérité. Ça n'existera plus jamais. Depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, il dit pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc, il n'y aura plus jamais une jahiliya absolue et complète jusqu'à la fin des temps. Et ça, ça vient en même temps réfuter la parole de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb qui a écrit un livre qui s'appelle « Jahiliyatul Qarn al-Ashrin ». La jahiliya du 20e siècle. Eh bien, c'est faux de dire ça parce que il n'y a pas de jahiliya absolue après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a seulement de l'ignorance relative. Tu peux trouver une ignorance chez une personne ou dans un lieu ou dans une personne en particulier. Mais pas dans une époque en entier qu'il n'y a plus de connaissances du tout. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours un groupe qui va être sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Et donc, Ahle Sunnah wal Jama'a et les gens qui suivent la Sunnah, qui suivent la voie des salafs et la compréhension des salafs, il y en aura toujours un groupe qui vont être là. Et c'est pour ça qu'à chaque époque, tu dois les chercher. Et tu dois les reconnaître par leurs caractéristiques telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Qu'ils vont suivre ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Hein? Et donc, il y aura toujours ce groupe-là victorieux jusqu'à la fin des temps. Donc, tu ne peux pas prétendre qu'il y a une époque comme au XXe siècle que c'est la jahiliya. Hein? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'islam du tout, il n'y a plus de Coran, il n'y a plus de sunna. Il n'y a pas un groupe victorieux qui s'accroche à la vérité de la sunna et de l'islam. Au XXe siècle. Et ça, c'est faux. D'accord ? Et c'est pour ça donc que le cheikh, il dit, en ce qui concerne la jahiliya qui est restreinte ou qui est relative, il dit, ça, c'est possible qu'il y ait dans certains pays ou dans certains endroits une partie de jahiliya, quelques éléments ou des caractéristiques de jahiliya. Présent chez beaucoup de musulmans, des formes de jahiliya, des caractéristiques de jahiliya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a quatre caractéristiques dans ma umma qui font partie des choses de la jahiliya. Ou comme il a dit à Abu Dharr, radiyallahu anhu, il a dit, toi tu es une personne chez qui il y a de la jahiliya. Donc il peut y avoir des caractéristiques de jahiliya en une personne. Ou dans une ville, ou dans un endroit, un pays, mais pas la jahiliya absolue. Hein, il dit une époque de jahiliya seulement, où il n'y a plus de science, plus d'islam, plus de... Non, ça n'existera plus jusqu'à la fin des temps. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, ومفاد ذلك أن من الطوائف التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التشبه بها أهل الجاهلية ويراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الناس كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء لبعد الفترة بين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام فقد بعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل أي في وقت انقطعت فيه آثار الرسالات وغيرت بقايا الأديان الصحيحة وسادت الوثنيات وصار الناس في جاهلية عام في جاهلية عامة لأن العالم لم يصح أن يعيش بدون الرسالات فإن فقدان الرسالات يعني تسلط الشياطين شياطين الإنس والجن فلذلك رحم الله البشرية فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وينقذهم من الجاهلية. Donc le cheikh, juste avant de traduire cette partie là juste pour par rapport à qu'est-ce que j'ai dit, de qu'est-ce que c'est Qutb a dit à propos de la jahiliya du XXe siècle, eh ben les ulama ils ont même mentionné ça comme en réalité de la part de Sayyid Qutb comme faisant partie des exemples de takfir de la umma, hein, parce que en disant la jahiliya du XXe siècle, c'était comme si en même temps il était en train de dire que au XXe siècle les musulmans ça il y en a plus. L'islam n'existe plus au XXe siècle, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de musulmans. On est dans la jahiliya dans le sens que il n'y a plus d'islam. On est dans une période comme l'époque pré-islamique, où il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas d'islam. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça que, ça c'est dans son livre qu'il a écrit qui s'appelle, j'ai oublié le nom, en anglais il l'appelait Milestones, en français, les jalons sur la route ou des trucs comme ça. En arabe, il l'appelle Ma'alim fit Tariq ou quelque chose comme ça. Non, c'est son livre Ma'alim fit Tariq. C'est dans ce livre-là aussi il a parlé. Mais il a parlé de ça. Il a fait le takfir de la Ummah dedans. Et dans son tafsir aussi, Fidilal al-Qur'an. Et aussi dans le titre de ce livre-là, de la Jahiliya du XXe siècle aussi, c'est la même chose. Donc, c'est pour dire. Et c'est comme s'il considère qu'il n'y a plus d'umma, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de musulmans. Et même il le disait dans certains de ses livres, il a dit la même chose. Il a dit les musulmans ça n'existe plus. Pour lui, tout le monde était devenu kuffar. Même il ne faisait pas le Jumu'ah parce que il priait pas le Jumu'ah parce qu'il considérait que c'était plus obligatoire parce que pour lui il n'y avait plus d'islam. Et des exemples comme ça, de takfir de la umma, c'est très très grave. Et c'est pour ça que vous voyez les Khawarij à notre époque qui se réfèrent à Sayyid Qutb. C'est leur père idéologique, dans l'idéologie. Allah Musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite Cheikh Al-Fawzan pour expliquer qu'est-ce qu'on vient de lire par rapport aux paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah? Il dit que qu'est-ce qu'on peut comprendre de qu'est-ce qu'on a lu, c'est qu'en réalité parmi les groupes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ou a interdit aux musulmans de ressembler ou d'imiter, il y a les gens de la jahiliya. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les gens de la jahiliya? C'est-à-dire les gens qui vivaient avant l'islam, c'est-à-dire avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens de cette époque-là étaient dans une jahiliya complète. Et les gens étaient dans un égarement aveugle à cause de la période très éloignée dans laquelle ils étaient entre la période du dernier prophète de Bani Israël qui était venu, Isa alayhi salam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une période de presque 600 ans, presque 600 ans entre les deux, qui n'avait pas eu de message, il n'y avait pas eu de messager. Oui, à peu près 600 ans entre les deux. Donc c'est pour dire que c'est une très très longue période Et le cheikh explique qu'il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu donc après cette période où il n'y a pas eu de messager depuis longtemps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traces qui restaient des messagers précédents avaient été presque disparues. Sinon, qu'est-ce qui restait des vraies religions qui restaient auparavant, la religion de Moussa et la religion de Isa et des prophètes? Eh bien, elle avait été déformée et changée. Elle n'était plus dans sa forme originelle, dans la forme authentique dans laquelle, avec laquelle ces prophètes-là les avaient amenés au début. D'accord? Donc, il ne restait plus rien d'authentique et de vrai et de correct de qu'est-ce que ces messagers-là avaient ramené, et l'idolâtrie avait pris le dessus partout sur la terre. Et donc, les gens étaient dans une ignorance totale. C'est ça qu'on appelle la djahiliya. Le monde entier était dans les ténèbres de l'ignorance totale. Hein? Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas vivre correctement sans message, sans messager. Et le monde avait perdu les messagers et les messages. Alors, les diables parmi les hommes et les djinns avaient pris le dessus. Et c'est par la miséricorde d'Allah pour l'humanité qu'il a fait venir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Et pour les faire sortir et les sauver de la jahiliya. Et donc le cheikh il dit ensuite: والجاهليه على قسمين جاهليه عامه وهي ما كان عليه اهل الجاهليه في جميع امورهم وهذه انتهت ولله الحمد بظهور الاسلام وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وببعثته صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهليه العامه وجاء العلم والنور والهدايه وسيبقى الامر كذلك إلى يوم القيامة كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولكن donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit que la jahiliya elle se divise en deux: la jahiliya générale, et c'est ce que l'état dans lequel les gens étaient avant l'islam et qu'est-ce qu'ils faisaient avant l'islam, et cet état-là, elle est terminée avec l'avenue de l'islam, l'avenue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette ignorance généralisée, elle a été terminée avec la lumière et la science et la guidance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené avec lui par sa venue. Et elle va rester, cette guidance, cette lumière, elle va rester jusqu'au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans sourate At-Tawbah, le verset 33, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute la religion, toutes les religions, même si cela déplaît aux mushrikoun, même si cela déplaît aux idolâtres. Il dit ensuite: walakin qad tabqa anwa'un min al-jahiliya fi ba'd al-muslimin aw fi ba'd al-bilad وهي جاهلية جزئية وليست جاهلية عامة فلا يجوز أن يقال الناس اليوم في جاهلية أو هم في جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى لأن هذا معناه أن الإسلام لا وجود له فالأصل أن لا يعمم الأمر وإنما يقال إن في بعض الناس جاهلية أو البلاد الفلانية فيهم شيء من الجاهلية وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن أو لا يتركوهن: الفخر في الأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. Donc le cheikh il explique que il est possible par contre qu'il demeure parmi les musulmans certaines formes ou certaines caractéristiques ou certaines sortes de jahiliya chez certains musulmans ou dans certains pays. Et ça, c'est une ignorance partielle ou relative, mais ce n'est pas une ignorance générale. Et donc il n'est pas permis de dire aujourd'hui que nous sommes dans l'ignorance ou la jahiliya totale, ou de dire que nous sommes dans une jahiliya qui est pire que la jahiliya de l'époque, hein, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'islam. Que l'islam, il n'existe plus. L'islam est absent. Hein? Ou que la Oumma n'existe plus. Ça, il y a des hizbiens qui disent ça. J'ai vu des hizbiens qui ont fait des conférences ici même à Montréal. Hein, dans certaines mosquées de Bid'a à Montréal, parmi les mosquées des Takfirin et des Sururiya et des Khawarij et des Ikhwan, ils disent par exemple, comment on va faire pour créer une Umma, hein, comme on veut, le titre de la conférence, comment créer la nouvelle Umma, ou comment créer une Umma, comme si la Umma elle n'existe pas, puis il faut la créer. Allah al-Musta'an. Oui, même les Ikhwan. C'est pas seulement les Hizb al-Tahrir. Hizb al-Tahrir, c'est un groupe parmi les groupes de Bid'a qui sont sur la voie des Khawarij. Non, tout le temps. Comment faire revenir le Khilafa? Comment faire revenir ci? Comment faire revenir ça? Allah al-Musta'an. Eux, c'est juste le nom qui les intéresse. Le nom. De dire Khalifa. Alors que, yani. Si tu l'appelles président ou roi ou dirigeant, ça leur plaît pas. Il faut dire Khalifa, sinon ils considèrent pas le dirigeant. Allah musta'an. Alors que quelqu'un qui a rien à voir, il peut s'appeler lui-même Khalifa, puis ça, pourtant il n'a rien à voir avec le Khilafa. Il s'attribue le titre de Khalifa, il n'a rien à voir avec l'islam. Allah al-Musta'an. Comme les Dawa'ish, ou les Da'ish, les Khawarij. Nasab Allah al-Afiyah. Les gens, c'est le nom qui les intéresse seulement. Ou les prétentions. Nasab Allah al-Afiyah. C'est comme un cheikh aujourd'hui, je parlais avec lui. Et en tout cas. Je parlerai de ça un autre moment, inshallah. Et le cheikh il dit: فَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي جَاهِلِيَّةٍ. Donc on n'a pas le droit de dire on est dans l'ignorance, on est dans la jahiliya, ou la jahiliya pire que la jahiliya de l'époque de avant l'islam. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Ça c'est comme je disais tout à l'heure, l'exemple de Sayyid Qutb quand il a dit la jahiliya du 20e siècle. Non, ça on n'a pas le droit de dire ça. Mais comme le cheikh il dit, il peut y avoir de la jahiliya partielle qui sont présentes, certaines caractéristiques de la jahiliya qui peuvent être présentes chez certaines personnes ou dans certains pays, hein. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit il y a quatre choses, quatre caractéristiques dans ma umma qui font partie des choses de la jahiliya que les gens ne vont pas délaisser. Et il a donné l'exemple, hein, des gens qui sont fiers de leur origine ou de leur ethnie, hein, ils disent nous on est les meilleurs, on est ci, on est ça. Ou des gens qui il y a aussi dans notre narration de ce hadith at-ta'nu fil ansab, c'est-à-dire d'insulter les gens par rapport à leurs origines. Al-istisqa'u bin nujum, dans d'autres narrations c'est al-istisqa'u bil anwa, c'est la même chose. Ceux qui croient, par exemple, que les étoiles ont une influence dans la pluie ou dans qu'est-ce qui se passe sur la terre, hein, superstition, des choses de ce genre, hein, et bien ça aussi, ça fait partie de, yani, des formes de bid'a et de shirk, hein. Et an-niyaha, ça c'est comme on a dit, les gens qui font des lamentations quand il y a quelqu'un qui meurt, hein, ils se lamentent, ils crient, et ainsi de suite. Ou bien ils font des éloges des morts, quand les morts meurent, quelqu'un meurt, ils commencent à faire des longs éloges à leur sujet. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Puis le cheikh, il dit ensuite, il dit فَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمُبْتَغِنْ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً جَاهِلِيَّةً يَنْدَرِجُ فِي كُلِّ جَاهِلِيَّةً مُطْلَقَ أَوْ مُقَيَّدَةً يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صائبة أو صابئة أو وثنية أو شركية أو شركية من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية يعني جميع فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد. Donc le cheikh il explique que comme dans le hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit يعني le hadith on l'a lu ce hadith là la semaine passée je crois. Oui. أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. Ça c'est les trois choses. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit selon le hadith authentique qui est rapporté par l'imam muslim, selon Abdullah ibn Abbas, il dit qu'il y a yani, la personne que Allah déteste le plus, il y a trois personnes que Allah déteste le plus, c'est la personne qui fait un péché dans le haram, et la personne qui recherche dans l'islam les voies de la jahiliya, et quelqu'un qui recherche à tuer une autre personne sans que ce soit justifié, et qui veut faire couler son sang. Donc ça c'est un exemple. Puis il dit justement à propos de la personne qui recherche dans l'islam les voies de la jahiliya, il dit ça, ça rend, on peut dire que dans ce hadith là quand on dit celui qui recherche dans l'islam les voies de la jahiliya, toutes les formes de jahiliya rentrent dedans, toutes les formes de jahiliya rentrent dedans, que ce soit les formes, la forme absolue ou la forme partielle, yani, que ce soit la jahiliya du judaïsme ou du christianisme ou des majus ou des sabi'a ou des idolâtres ou des adorateurs de pierres ou de roches ou de statues ou autres, ou qui font des formes de shirk quelconques ou des parties de ces pratiques là, il y en a peu importe, toutes ces différentes voies là font partie des voies de la jahiliya, qu'elles soient innovées ou qu'elles soient abrogées ou peu importe. Du moment qu'elles sont venues après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors on peut leur appliquer le terme de la jahiliya. On peut leur appliquer le terme de la jahiliya, même si en général on utilise le terme jahiliya que pour l'état des Arabes avant l'islam. Mais sinon, la signification est la même. Toute chose qui est en contradiction avec l'islam, hein, du moment que c'est venu ou que c'est pratiqué ou appliqué après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on peut la décrire comme étant ou comme faisant partie de qu'est-ce qui rentre dans la jahiliya et dans l'ignorance. Et le cheikh il dit يعني أن من جملة الأمور التي لا يجوز إحياؤها ولا الرجوع إليها سنة الجاهلية فالذين يريدون العود إلى أمور الجاهلية ويفتخرون بذلك ويقولون عنها إنها تراث وحضارة هؤلاء يدخلون في هذا الحديث فالواجب ترك الجاهلية وتناسيها والاعتزاز بالإسلام وبما جاء به فالجاهلية لفظ يشمل كل جاهلية سواء كانت جاهلية الأميين أو جاهلية الأعاجم أو جاهلية أهل الكتاب فالمراد بالجاهلية أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. Donc le cheikh explique que yani, de façon générale il n'est pas permis de faire revivre les choses qui ont rapport avec la période de la jahiliya, ni de retourner à ce qui est associé à la jahiliya. Et la voie de la jahiliya, c'est-à-dire ceux qui veulent faire revivre dans l'islam ou faire réapparaître dans l'islam des choses qui ont rapport avec la jahiliya et qui essaient de rechercher une certaine fierté dans ces choses-là. Et donc ils disent par exemple Ça, ça fait partie de la tradition, ça fait partie de nos, comme, turas, comment on dit, l'héritage, de nos héritages culturels, ça fait partie de l'héritage culturel, de la civilisation, ça fait partie de tel ou tel truc, comme ils disent, les patrimoines de le patrimoine de l'humanité, hein, et puis ils refusent de détruire certaines formes de choses qui ont rapport avec le shirk et le kufr, soi-disant parce que ça fait partie de l'héritage culturel de certains peuples ou des choses de ce genre. Donc le cheikh, il dit cela, ils veulent, tout cela, ils rentrent dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, des gens qui veulent faire rentrer dans l'islam des choses qui font partie de la jahiliya ou des voies de la jahiliya. Et donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans? C'est d'abandonner la jahiliya et de l'oublier complètement et de rechercher leur fierté dans l'islam seulement et dans ce que l'islam a ramené. Et il dit que le terme de la jahiliya, ça comprend toutes les différentes sortes de jahiliya, peu importe que ce soit la jahiliya des Arabes avant l'islam, qui n'avaient pas reçu de livres auparavant, ou la jahiliya des non-arabes, ou la jahiliya des gens du livre, juifs et chrétiens, ou bien tout autre jahiliya. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par jahiliya? Les gens qui ont vécu dans la période entre Isa et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe leur tendance, ou leur croyance, ou leur pratique. Et le cheikh, il dit, وفي الصحيحين عن نافع ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريق ما استقوا يعلف الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. أي نعم. Donc le cheikh, il dit que c'est rapporté selon Nafi', selon Ibn Omar dans le Bukhari et Muslim, que les gens sont à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés dans la terre où la terre de Thamoud, dans les grottes où se tenait, où vivait Thamoud à l'époque. Et c'est probablement quand ils sont partis à la bataille de Tabouk, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les grottes où habitait Thamoud dans la pierre, et ils ont cherché de l'eau dans ces puits-là. Ils ont pris de l'eau des puits. Et ils ont fait de la pâte pour faire du pain ou des choses comme ça avec de l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de jeter l'eau qu'ils avaient puisée et de donner la pâte au chameau. Et il leur a ordonné de prendre de l'eau du puits duquel les chameaux buvaient, au lieu d'utiliser les puits de Thamoud. Puis il a dit, وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنُ عُمَرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرِ في غزوة تابوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا فيها واستقينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من يطرح ذلك العجين وأن يهرق ذلك الماء. Donc ça, c'est une autre narration qui est rapportée par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Dinar, selon Ibn Omar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à l'endroit où lorsqu'ils sont partis pour aller à la bataille de Tabouk, ils ont passé près des demeures de Thamoud et ils avaient pris de l'eau du puits et ils avaient fait de la pâte, hein, probablement pour faire du pain ou quelque chose comme ça. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne pas boire l'eau de ces puits et de ne pas manger de cette pâte, et il leur a ordonné de la jeter, de jeter l'eau et de jeter la pâte. Il dit, wa fi hadith Jabir fi sahihayn aydan an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala lamma marra bil hijr لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. Donc le cheikh il a dit que, comme c'est rapporté par, dans le hadith de Jabir selon, donc c'est rapporté selon Jabir par Al-Bukhari et Muslim aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé près des demeures, les endroits où habitait Thamoud, lorsqu'il est allé dans le nord, hein, vers Tabouk, subhanallah, il leur a dit, n'entrez pas chez ces gens-là qui ont été châtiés. Sinon que vous soyez en train de pleurer. C'est-à-dire, si vous allez là-bas, si vous rentrez chez eux, ne rentrez pas excepté en pleurant. Parce il dit, mais si vous ne pleurez pas, alors n'entrez pas, par crainte que vous soyez frappés ou touchés par qu'est-ce qui les a frappés. Hein? Et le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc les a interdits de rentrer dans ces endroits-là excepté en pleurant et il par crainte qu'ils soient touchés par ce qui a touché ces gens-là comme châtiment. Et malheureusement parfois ces endroits-là parmi les endroits où les peuples ont été châtiés par Allah, tu vois des gens aujourd'hui ils vont là-bas pour faire du tourisme et pour visiter ces endroits-là, hein, il y a des visites guidées, des choses de ce genre. Oui, ça existe encore, hein, en Égypte aussi, les pyramides et tout ça. Exactement, mashallah, barakallahu fik. Ça me fait penser à l'exemple d'un des élèves de l'imam Malik, un des jeunes élèves de l'imam Malik, lorsqu'il est venu pour étudier à Médine. Un jour, il était assis dans le dars de l'imam Malik et ils ont appris qu'il y avait un éléphant qui était venu à Médine. Les gens n'ont jamais vu d'éléphant, alors ils sont curieux, ils veulent voir. Et tout le monde est parti. Tout le monde a quitté le dars de l'imam Malik pour aller voir l'éléphant, excepté celui-là. J'ai oublié le nom de cet imam. En tout cas, et l'imam Malik lui a dit, est-ce que tu vas pas aller voir l'éléphant toi aussi? Il a dit, je suis venu pour voir l'imam Malik, pas pour voir les éléphants. Et il est le seul qui est resté, subhanallah. Donc, il y en a qui vont pour talab al-ilm, il y en a qui vont pour voir les monuments ou les endroits où les mouchriquins ont été châtiés. Il y en a, non, ça c'est pas correct. Nasallallah al-afiyah. Et donc, s'ils rentrent, au moins ils devraient rentrer là-bas, s'ils vont là-bas, ils doivent aller en pleurant. Hein? Malheureusement, comme tu dis, ils vont pas pour pleurer, ils vont pour s'amuser. Nasallallah al-afiyah. Et le cheikh, il dit, فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين صنعوا ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي غزوة العسرة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين يعني أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de profiter, même d'utiliser l'eau de ces puits. Il a ordonné de l'acheter. Il dit, malgré qu'ils avaient beaucoup, un grand besoin de cette eau, c'était la bataille, une des batailles les plus dures que les musulmans ont dû faire. Et ils n'avaient pas d'eau. Hein? Ils avaient traversé le désert. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, n'utilisez pas cette eau. Et il leur a ordonné donc de ne pas prendre non plus de la pâte qu'ils avaient faite avec cette eau. Et Cheikh Al-Fawzan lui explique ça. Donc on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet, puis après on va s'arrêter, Inch'Allah. Cheikh, il dit فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض ثمود دليل على تجنب فعل الجاهلية وآثارها في كل مكان ولم يرخص لهم إلا في بئر الناقة التي تردها الناقة لأنها ليست من آثار الجاهلية وليست من آبار ثمود فلا يجوز السفر لأجل النظر والنزهة في آثار ثمود لأن هذا من تعظيم فيه تعظيم لتلك الآثار لكن إذا مر الإنسان بها في طريقه ولم يقصدها فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار قال النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم أما أن ينظر فيها من أجل أنها آثار حضارة والتفاخر بها فهذا أمر لا يجوز ولا يجوز أن تطور ويعتنى بها وأن تجعل مزارا للسياح لأن هذا من تعظيم أمور الجاهلية ونحن منهيون عن ذلك. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça sur les terres de Thamoud et ça c'est une preuve qu'il faut s'écarter des actions de la jahiliya et de ce qu'ils ont laissé comme trace en tout lieu. C'est pas seulement pour les gens de Thamoud et de cette région, mais partout sur la terre où il y a eu des gens qui ont été châtiés, où il y a des civilisations anciennes qui ont été soi-disant abandonnées ou détruites, on n'a pas le droit d'aller visiter ces endroits-là et on n'est pas permis de profiter de qu'est-ce qu'ils ont laissé comme puits ou autre. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pas permis de prendre de l'eau de ces puits-là. Il a seulement permis d'utiliser les puits qui étaient pour les animaux parce que ça ne fait pas partie des traces de la jahiliya que ces gens-là ont laissé et ça ne fait pas partie des puits de Thamoud non plus. Il dit il n'est pas permis de voyager dans le but d'aller voir ces endroits-là ou de visiter ou de faire du tourisme que ce soit à Thamoud hein, à ces endroits-là ou autres. Il dit parce que ça fait partie du fait de montrer du respect à des restes de ce que ces gens-là ont laissé. Il dit excepté si par contre quelqu'un passe par là, ça vient sur son chemin puis que c'était pas son intention ou son objectif d'aller là, mais il passe en passant puis il regarde juste pour réfléchir hein, pour prendre une sorte de leçon de qu'est-ce qu'il voit. Oui, il dit mais si vous rentrez, le prophète ça m'a dit n'entrez pas chez ces gens-là excepté chez ces gens-là qui ont été châtiés excepté en pleurant. Et si vous ne pleurez pas, n'entrez pas, par crainte d'être frappé par ceux qui les a touchés. Et il dit, donc, tu regardes pour regarder, pour voir, prendre une leçon, c'est bon. Mais si tu regardes avec respect, puis avec éblouissement, tu dis, ah, ça c'est des traces de civilisation, puis tu te sens fier de ces choses-là, ou des choses de ce genre, il dit, ça c'est interdit, ce n'est pas permis. Et ce n'est pas permis non plus de les rénover, reconstruire, ou de les, comme des fois, comme c'est des choses qui sont en... Oui, de le maintenir, ou des choses comme ça. Des fois, c'est des trucs qui sont en ruine, mais il y a certains gouvernements, parfois, qui vont dire, bon, on va dépenser une somme d'argent pour les rénover. Ça, c'est pas permis de faire ça. Et c'est pas permis non plus d'en faire des endroits de tourisme pour faire des visites guidées ou aller visiter comme lieu de visite ou des choses de ce genre, parce que sinon ça veut dire qu'on exalte et qu'on respecte les choses de la jahiliya et on n'a pas le droit de faire ça. Il dit le cheikh أما الرواية الأخرى رواية البخاري من حديث عبد الله بن دينار ففيها أنه أمرهم أن يطرحوا العجين وفي الأولى أمرهم أن يعلفوا الإبل ولا تعارض بين الروايتين فلربما طرحوا بعضه وعلفوا الآخر إذ والشاهد أنهم لن يستعملوه من عند أنفسهم. Donc le cheikh il dit que la deuxième narration c'est la narration de l'imam al-Bukhari qui est le hadith d'Abdullah ibn Dinar. Il dit là-dedans il leur a ordonné yani, de jeter la pâte, tandis que dans la première il leur a dit de la donner au chameau. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, puisque de toute façon ils l'ont pas utilisé. Et c'est ça qui est important, n'ont pas utilisé pour eux-mêmes. Il dit, et dans l'autre hadith, lorsqu'il dit, n'entrez pas chez ces gens-là qui ont été châtiés, excepté en pleurant, il dit, هذا يعني هذا من أوضح الأدلة على أنهم يعني مقبورون في هذه البيوت والمساكن وأنهم يعذبون فيها. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الذهاب إليها من أجل الإعجاب والافتخار بها، وإنما يدخلها من مر بها من أجل الاعتبار والاتعاظ، لأنه إذا دخلها معجبا بها وفرحا بما كان عليه أهلها من الحضارة والتقدم كما يقولون، فربما أنه يصيبه ما أصابهم إما في جسمه وإما في قلبه والعياذ بالله. فالإعجاب بالكفر أو فالإعجاب بالكفار وما هم عليه من حضارة فيه خطر عظيم على المسلم أن يصاب في دينه وقلبه بالزيغ والضلال، ولا يجوز أن تتخذ موردا ماليا مما يجيء من الزوار من رسوم لأن هذا مورد حرام. Donc le cheikh il dit donc à propos du hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'entrez pas excepté en pleurant chez ces gens-là qui ont été châtiés, il dit ça c'est une des plus claires, des preuves les plus claires que ces gens-là sont enterrés dans ces maisons-là et dans ces endroits-là, et qu'ils ont été châtiés dans ces endroits-là. Et ce hadith-là est une preuve qu'il n'est pas permis d'aller dans ces endroits-là dans le but de s'éblouir ou de se sentir fier de ces choses-là, ni non plus de rentrer dans ces endroits-là pour faire du tourisme ou des choses comme ça. Il dit si tu y vas ou si tu passes par là, tu passes pour prendre des leçons et pour réfléchir de qu'est-ce qui est arrivé à ces peuples qui ont désobéi à Allah. Mais si tu rentres ébloui et fier et tu te réjouis de ce que ces gens-là avaient comme civilisation ou comme évolution ou avancement, yani, comme ils disent, eh bien, peut-être que dans ce cas-là, tu vas être touché par ce qui les a touchés, soit dans ton corps, soit dans ton cœur. Et donc, d'être ébloui des koufars et de ce que les koufars avaient comme civilisation, il y a dans ça un grand danger pour le musulman, qu'il soit frappé dans sa religion, qu'il soit touché dans son cœur par la déviation et l'égarement. Et donc il n'est pas permis de prendre ces lieux-là comme des moyens de, comme on dit, une source de financement, une source de financement pour faire de l'argent avec ça, pour dire ah, on va rénover ça, les gens vont venir, ils vont faire du tourisme, on va leur faire payer un prix d'entrée pour aller visiter, donc on va faire ça va nous donner de l'argent et comme ça va être une source de revenus pour l'État ou des choses de ce genre, ça c'est pas permis. Donc ça c'est il dit que le revenu qui revient de ça, de ces endroits-là, de ces visites-là, il dit que c'est un revenu qui est haram. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.